vous trouverez encore d'autres vis et d'autres écrous dans la fixation destinée à maintenir l'appareil sur la table. La quantité de prospectus pour diverses écoles et d'invitations à des cours par correspondance pour adultes qui remplissent quotidiennement ma boîte à lettres me donne à penser que je dois figurer sur une liste spéciale de débiles mentaux. Dans un timbre ou un carillon. Non, que je m'en plaigne. Comme vous l'indique la figure, il y a dans une nomenclature un instrument tranchant peut être présenté sous différentes formes. De cours de perfectionnement. Les machines à débiter. Quelque chose qui pique. Il pourrait tailler 50 tranches. Avec une fascination que je n'avais jusqu'ici, réservée à un concept formel et Thank you. quatrième œuvre, plus complète qu'il y avait dans les siècles. Elle doit marquer les frontières. Il y avait dans les siècles. Dis-le, même si ce n'est pas vrai. L'important. Qu'est-ce que je dois dire ? Derrière un rêve, dis-le. Même si ce n'est pas vrai. Partant de. Qu'est-ce que tu crois ? Elle, dis-le. Dois-tu l'amener là ? Plus complète.